3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Sub no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. On est les champions, on est les champions. Hey Seb, comment tu vas pour cette deuxième prise? Parce que oui, c'est la deuxième prise. Pas un jour, pas une semaine, mais on est là, on est we here. On a sorti les bagues, on a sorti tout l'attirail. Parce que quoi? On a sorti le vieux t-shirt. On est les champions. Seb, tu vas bien? Ben ouais, on est champions. On est champion. Je pensais pas pouvoir dire ça de mon vivant, d'une équipe d'Inix. On est champion de la NBA Cup. Ouais, de la Cup. On va en parler parce que bon, certains vont nous dire c'est une coupe en carton. Ouais, on a ramené la coupe à la maison. Voilà, c'est ça. On l'a ça, fait. Les Inix l'ont fait. Ça me met lourd pour du carton. Ouais, ça, pour moi, c'est pas du carton. À Vegas, les trucs en carton. Et puis la NBA, le carton. Non, je suis pas sûr. Bon, t'as passé un bon début de semaine? Ah ouais, non, mais ce match était... Et ce match, en plus d'être kiffant parce qu'on a gagné, mais en plus, c'était un match haletant, vraiment. Donc, C'était une belle finale. Donc, c'est vrai qu'il y avait plein d'ingrédients qui font que, à la fin, quand tu gagnes, tu as un ouf de soulagement et puis c'est cool, quoi. C'est cool de connaître ce sentiment, quand même, tu vois. Donc. Voilà. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle d'Enix. Cette semaine, on parle deux fois d'Enix. Alors bon, c'est vraiment parce que... Il y avait l'occasion qui s'y prêtait. On n'allait pas vous laisser comme ça en mode « Ouais, bonnes vacances, hein, joyeux Noël, allez, ciao, on se revoit en janvier. » On s'était bien dit qu'en cas de victoire, on serait de retour. Et on est de retour pour l'épisode 140, un épisode hors série. Avenix Week, Avenix Champ. Et ouais, le 140, c'est pour fêter un titre de champion. Ça valait bien la peine qu'on ressorte la caméra, qu'on rallume un petit peu les lumières et qu'on rebranche les micros. On va vous parler de ça, hein. On va avoir beaucoup de choses à se dire. Bah oui. Non, on va quand même se concentrer sur cette cup. On va essayer de fêter ça dignement entre nous, entre vous, nos followers. Ah, on va se calmer un peu, je vais me calmer un peu. On lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé à Vegas. Ce qui s'est passé à Vegas, ça reste pas qu'à Vegas. Allez, c'est parti. On regarde ce qui s'est passé sur cette finale de NBA. Ah là là, on va parler d'un match. Ouais, d'un match. Peut-être un match et demi, hein, parce qu'il y a eu un autre match qui s'est joué. Là, pour tout vous dire, on enregistre dans la journée du vendredi, hein, ce qui suit le match d'après. Les Knicks sont champions de la NBA Cup. C'est eux qui ont soulevé la coupe, qui ont levé le trophée face aux San Antonio Spurs. Ça s'est passé à Vegas dans la nuit de mardi à mercredi. Je t'avoue que moi, je les regarde pas tous en live, ces matchs des Knicks, parce qu'il y en a 82 dans la saison. 83 cette saison, ça va être encore un peu plus de nuit passée devant nos Knicks. Je les regarde plus souvent, pour tout dire, en léger différé, genre à 4-5 heures du matin. Je prépare le petit résumé de la rencontre que vous pouvez lire, bah oui, sur le blog, hein, ça se produit pas tout seul. Il y a bien un humain, c'est moi en l'occurrence, qui vous produit tout ça. C'est pas de l'IA, non, je pourrais peut-être me faire aider par l'IA pour voir si ça me simplifie pas mes nuits, mes matchs. Mais du coup, je regarde pas les matchs en live, je les regarde avant de partir au travail. Ça fait pas forcément un rythme très très vivable sur le long terme. Mais pendant que Seb ajuste sa caméra, fait une danse du ventre ou que sais-je. Non, c'est j'allumais la prise parce que j'avais branché en fait mon PC. Sauf qu'en fait, j'étais en train de voir que la batterie était en train de se décharger à vue d'œil. T'as pas de champion, à un moment le PC il te dit non, mais t'as déjà regardé le match la nuit là, hop, y'a plus de batterie là. Ok, tu vas nous sauver, ça va éviter que tu disparaisses d'un coup comme ça. Non, moi là c'est bon, le café est servi. Bon, toi tu l'as regardé en live la finale. Mais bien sûr, là, je n'avais pas le choix. Tu es un travailleur de nuit. Bon, je... hein, ouais, sans dévoiler ton métier du spectacle. Mais c'est vrai sans que... Sans dévoiler ton métier du spectacle. Certains parlent de go-go dancer. On ne dévoilera pas tout. Hein. Non, c'est pareil. ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. mais pour moi, ça, je m'étais dit, attends, c'est pas tous les jours que Nick joue une finale. Je n'ai pas le choix de ne pas le voir en direct. Et en fait... Donc je regardais une partie, il y a un groupe Discord que Chapi avait créé avec pas mal de supporters des Knicks. Qu'on salue au passage. Hein, bien sûr. Et tout ce groupe. Bien sûr. Et en fait, j'avais trop de décalage avec eux, donc je le suivais, je les rejoignais au quart-temps ou à la mi-temps pour débriefer un petit peu. Et le quatrième quart-temps, je me suis dit, non, je peux pas vivre ça tout seul. Donc, j'ai suivi le reste sur mon téléphone avec toute l'équipe, tu vois, donc du Discord. Et puis de le vivre en direct avec d'autres personnes, c'était d'autant plus kiffant, quoi, c'était chouette. On a échangé après aussi, toi et moi, un peu après le match. Et c'est vrai que c'est... voir les Knicks gagner une compétition officielle NBA, c'était chouette, quoi. Surtout que moi, vraiment, cette équipe des Spurs apparaissait comme un peu l'épouvantail de la compétition. On en avait parlé, hein. On parlait de qui est le favori. Tu te disais, peut-être une petite longueur d'avance pour les Spurs. Ils viennent de sortir OKC qui était quasiment invaincu, le champion en titre. Ça, c'était joué à rien. Hein. Mais voilà, le retour de Victor, il y avait motif à se dire, attention à ces Spurs, ils sont pas là par hasard. Ils pourraient très bien jouer un mauvais tour aux Knicks. Ça s'était passé en 99, dans un contexte complètement différent, d'accord. Mais voilà, il y avait ce petit côté revival, vintage, vengeance, tout ça. Il y avait ça en fait aussi avec ce storytelling autour de cette NBA Cup et de cette finale. Le premier titre, pourquoi ? De la dynastie qui allait se lancer avec, qui ça ? Victor Wembanyama. Il y avait un côté cocorico, français, franchouillère. Voilà, aussi, pour certains. C'est sûr que il y avait tout ça, en fait. La défaite, c'était la défaite sur le plan national, donc français. C'était les Knicks contre le reste du monde. Il y avait un peu ça, il y avait un peu ça. On comprend, c'est normal. Voilà, il y a une affection pour Victor, il y a une affection pour les Spurs de longue date par rapport à l'époque Tony Parker, ça on s'en doute. Il y a une communauté qu'on salue au passage, la SNF, la Spurs Nation France, qui est aussi mobilisée derrière son équipe. Et il y a des fans de longue date, bien sûr, comme dans toute franchise. Mais voilà, il y avait forcément une attention, peut-être une préférence nationale pour les Spurs. On sait que la fanbase, oui, je sais plus comment on parle. En français, en anglais, on parle comment là ? On a perdu notre latin, notre chinois. Bon, la fanbase des Knicks, elle est importante. En France aussi, dans le monde, au sens large. Aux États-Unis, hein, à Vegas, il y avait pas mal de fans des Knicks. Il y avait aussi le groupe hein, de supporters, les Jackass, là, c'est ça ? Les Jackals, voilà. Qui faisaient du bruit, qui se faisaient entendre. Hein. Ils ont fait le déplacement. Vegas n'était pas plein. Mais voilà, il y avait quand même quelque chose de particulier autour de cette cup, de cette finale. C'est une compétition qui est assez jeune, pour l'instant pas appréciée pleinement, un peu sous-estimée pour certains qui vont dire « ouais, c'est un peu forcé ». On en reparlera dans quelques années, ça deviendra quelque chose de traditionnel, d'instauré, peut-être pas tout le temps à Vegas. Il est question de délocaliser cette finale, et pourquoi pas, après tout. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose un peu d'immanquable pour nous, fans des Knicks, de voir ce match, dans la mesure du possible, en direct. Moi, j'avoue, j'ai quasi fait nuit blanche avec cette histoire. Hein. Ouais, le mercredi matin, la tête dans le cucu. Hein. C'était compliqué d'aller se coucher après ça. Parce que c'est vrai que t'es avec tout l'influx nerveux, tu vois. L'euphorie, la célébration, les discours, l'après qui était à suivre aussi, quoi. Un match NBA, après, c'est long. Et puis après, il y a eu des révélations. D'ailleurs, je pense que tu te joins à moi pour présenter les condoléances à Victor suite au décès de sa grand-mère, qu'il l'a appris donc le matin même. Donc, ça. De la finale, donc ça l'a un peu chamboulé, c'est évident, hein. Je veux dire, on a tous connu ce sentiment. Moi-même, j'avais fait un tweet, j'avais sans savoir en fait les tenants, les aboutissants de ce qui s'était passé, où en fait Jalen Brunson, avant toute chose, va serrer la main, et en fait, c'est limite s'il lui serre la main, et donc j'avais tweeté un peu de façon ironique, sarcastique, en disant, bah alors, c'est pas très éthique de réagir comme ça. Et en fait, au réveil, je vois que j'ai quelques messages en mode « supprime, supprime !» Et donc, je vois qu'en effet, il s'était passé ça. Alors, pour pas créer de polémique ou quoi que ce soit, donc j'ai supprimé mon tweet. Mais c'est vrai que du coup, on comprend un petit peu certaines postures qu'il avait sur le banc. Donc voilà, donc, On présente nos condoléances à ça, bien sûr, à ce décès douloureux qui doit être vraiment, en plus en ces périodes de Noël, de fin d'année, voilà. Mais pour en revenir à nos Knicks, ouais, tout le décorum, Las Vegas, les Spurs. T'as vu, San Antonio, du coup, Jalen Brunson, il lui pose la question. Ouais, alors, en 99, c'est qui jouait la finale? Et lui, bah, mon père, déjà, non. Il n'a pas joué la finale. Allez, prends ça, papa. Voilà, quoi. Bon, il savait. Mais effectivement, JB a gagné pour son papa. Il a vengé les Knicks de 99 son face père aux terribles Spurs. Son père est vice-champion olympique. Et vice-champion NBA. Son père est vice-champion NBA. Et son fils a une coupe. Voilà. Voilà, la famille se porte bien. Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments. On sait que les Américains adorent ça. Et c'est ce qui fait aussi le charme de cette NBA. Tout ce storytelling, cette histoire de rivalité, l'histoire des franchises, les matchs passés, les précédentes rencontres, les rencontres entre Spurs de Victor et les Knicks de Jalen Brunson. Il y a déjà eu quelques faits assez intéressants. On en avait parlé, le match de Noël l'année dernière. Il y a deux saisons, le record quasi de franchise de Jalen Brunson avec 61 points. Tout loin de faire tomber la marque de qui? De Melo. Attention. Il se passait quand même pas mal de choses déjà dans ces confrontations. C'est pas une affiche anodine. Même si on peut pas parler de rivalité à proprement parler. Hein. On est sur deux équipes de franchise de conférences distinctes. Il n'y a pas un vécu, tu vois, comme à une époque, il y avait par exemple entre San Antonio et je sais pas, enfin, tu vois, tu avais des équipes, bah, Miami, quand ils se rencontrent deux fois d'affilée en finale, tu vois, tu as une rivalité qui s'était installée. Mais rivalité entre deux conférences, il n'y en a pas, ouais, peut-être Lakers-Boston. Si, évidemment. Lakers-Boston, voilà. C'est la première qui nous vient. Parce qu'il y a eu répétition, mais au-delà de ça. Non. LeBron versus les Warriors, c'est différent. Mais en tout cas, voilà, on peut pas parler à proprement parler de rivalité. Il y a de l'histoire. Tu rencontres pas assez les équipes de l'Ouest. Tu rencontres pas assez les équipes de l'Ouest pour créer une rivalité. Il y a pas de rivalité. C'est globalement assez sain entre ces deux franchises. Voilà. Donc effectivement, tu l'as noté par rapport au geste de Jalen Brunson qui, au lieu de tout de suite aller célébrer avec ses coéquipiers, a été saluer les adversaires. Donc ça montre aussi le côté classe du garçon. Ouais, et puis son discours, un rôle qu'il se donne, son discours aussi en fin de rencontre. Ouais. Est-ce que je peux parler d'OG? Est-ce que je peux parler de Tyler Collect, de Mitch, je sais plus, j'en oublie un, Jordan Clarkson, les joueurs du banc, les joueurs qui ont aidé Factor X. Ils ont tout donné. Il a dit, ils ont tout donné. Sans eux, on n'aurait pas gagné la finale. Non, non. Alors, ce discours n'est pas très bien passé, hein, faut l'avouer. Josh Hart n'a pas apprécié. Josh Hart a eu un geste à la direction de Jalen Brunson qu'on préférera taire ici. On appelle ça, mais dans le métier, une olive. Voilà. Une olive, voilà. Est-ce qu'on parle... Non, mais il est fou. Le mec sur le podium, non mais... Josh Hart, voilà, adepte de l'olive, ceux qui n'ont pas, voilà, on va pas dire le mot parce qu'on veut pas se faire démonétiser la vidéo, qui n'est pas monétisée. Voilà, mais... ceux qui ne savent pas, renseignez-vous ce qu'est une olive. Autour de vous, forcément il y a quelqu'un qui sait ce que c'est. Voilà, vous demandez à votre collègue, tu ne mettrais pas une petite olive, tout ça, bon voilà, vous aurez vite fait une idée de ce que ça peut être. Rapidement. Vous recherchez des vidéos sur YouTube, hein, vous trouverez, hein, comment faire le coup de l'olive, tout ça. Je pense qu'il y a des trucs, il y a des tutos. Oui, oui. Non, mais... Nous-mêmes, on n'est pas familier de la chose, mais en tout cas, visiblement, je cherche très simplement, juste, il n'y a qu'à observer le geste de Josh Hart, et tout de suite, en fait, on comprend, je veux dire, ce qu'est une olive. La proximité avec son pote Jalen Brunson, qui n'a pas trop apprécié, qui lui a après pointé du doigt en lui disant hey. « Eh, pas aujourd'hui. » Les deux, ils se... Ouais. Mais en fait, voilà, il y a tellement de trucs qui font kiffer dans cette finale. Et pourquoi on est un peu euphorique? Pourquoi on a kiffé ce titre, rappelons ça, voilà. A win is a win, a title is a title, a cup is a cup, voilà. On a gagné une coupe, et c'est pas rien, c'est un titre. Les Knicks en ont pas 50, il n'y a pas énormément de titres dans cette franchise qui est prestigieuse d'une certaine façon, mais qui n'a pas le palmarès. C'est parce que c'est prestige. L'aura de New York qui rend aussi les Knicks prestigieux. C'est ouais, bah ça, l'histoire, voilà. L'histoire de cette franchise, parce qu'elle est là depuis le début. Et il y a eu des finales, on en a joué plein, on en a perdu plein, on en a gagné que deux. Eh ben ouais. D'ailleurs, si vous savez combien de finales les Knicks ont joué dans leur histoire, je veux bien que vous me mettez ça en commentaire pour voir. Hein, parce que vous allez penser à la finale de 94, la finale de 99, mais il y en a d'autres qu'on a joué avant. On a perdu avant. Et ouais. Et puis même à l'époque dorée, là, de nos beaux champions, bah, y a eu des finales de jouer, mais bon, ça a été perdu. Voilà. Donc c'est compliqué de gagner à New York, donc faut pas faire de la fine bouche. C'est une cup, oui, compétition récente. Mais en plus, faut le dire, parce qu'on va parler un petit peu de sportif. C'était une très belle finale. C'était une très belle finale. On a eu quand même un beau spectacle pendant 4 quarts temps. On n'était pas tout le temps serein. Hein. Moi, non, je me suis dit, est-ce qu'on va enregistrer avec Seb pour fêter ça? Tu sais, tu parles de la Cup. J'ai l'impression que la NBA Cup est plus snobée, un peu méprisée par les fans que par les joueurs. Les joueurs la jouent, ils la jouent sérieusement. Alors, ok, et d'accord. Ils la jouent pas sérieusement par rapport à la prime. Ok, c'est bien, ils sont contents, ils ont un truc. Mais sur le terrain, on m'a déjà cité ça. Ouais, les joueurs, on est obligé de leur mettre une prime pour qu'ils se bougent. Moi, quand je vois Josh Hart, je me dis pas sur le terrain, ouais, il joue pour une prime. Quand je vois Jalen Brunson sur le terrain, tous les efforts qu'il fait, tout ça, les sacrifices, les machins, il joue pas pour une prime. Les mecs qui sont contents pour la prime, c'est les mecs du bout du banc. C'est les Pacom, c'est les Mohamed Diawara, c'est malheureusement Gershon qui fête ses 30 ans, qui dit bon, bah, on me file un demi-million de dollars, bah, sympa comme cadeau d'anniversaire. Sympa. J'ai pas joué, je prends, je suis content. Ok, ils sont contents de ça. C'est un petit pécule, un petit bonus, un tips à la sauce américaine, à la sauce NBA, aux joueurs qui sont en two-way contract, aux membres du staff. Ça, c'est cool pour eux, tu vois. Est-ce que tu as vu hier, Walt Frazier, lors du match contre Indiana, a dit qu'en fait, les stars, les gros salaires de l'équipe, avaient donné une grosse partie. Ils ont partagé une grosse partie de leur prime avec en fait les membres de l'organisation, du staff vidéo, du staff médical. D'ailleurs, ils ont fait une photo très sympa, hein, tous ces gens-là, tous les gens de Londres un peu, avec la coupe. Et déjà, ils en avaient plus ou moins parlé, puisqu'ils en avaient touché un mot à Jalen Brunson en disant « Ouais, alors, si vous gagnez votre prime… » Vous allez en faire quoi ?« Vous allez la donner une partie au staff et tout. » Et donc, lui, il a dit bah, « Super, merci d'avoir spoilé, quoi. » Et venant, en fait, quand en fait, il a dit ça, quelque part, ça n'a pas été surprenant parce que, bah, en effet, c'est tout un collectif. Et au final, tu vois, c'est un super beau geste. 4, lui, il l'avait donné à une association qui vient en aide aux enfants. Ouais. Voilà, aux enfants en la République dominicaine. Et je pense que les Mika, les Josh Hart, les GB, ils ont donné leur prime, ils l'ont partagé. Je pense que les membres du staff, pareil, en cette période de fin d'année, le geste est extrêmement élégant, quoi. L'argent, on en entend parler, c'est Vegas, c'est les États-Unis, il n'y a pas le même rapport américain avec l'argent que nous, en France, avec l'argent. Hein, c'est moins tabou. C'est moins tabou, clairement. Il y a des primes, mais il y a des primes pour plein de choses. Il y a des primes en finale de Coupe du Monde pour l'équipe de France, il y a des primes pour n'importe quoi, en fait. Donc, voilà, ok, c'est des sommes, on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? En réalité, non. Ils en feront ce qu'ils auront envie d'en faire. Ce qui est important, c'est de voir comment ils ont joué. Et moi, sur toute cette cup, j'ai vu une équipe qui était concentrée, qui avait envie de faire quelque chose, qui avait un peu envie de valider un statut. Les Knicks, on veut les mettre contenders. Et ben là, maintenant, ils peuvent plus se cacher. Ils ont gagné cette cup, ils ramènent cette coupe à la maison. C'est pas rien. C'est pas rien quand on est fan des Knicks. Et oui, c'est comme un match 7, d'une certaine façon. C'est un match, tu gagnes, tu perds. Brunson, Mika, Josh, ils ont connu cette March Madness, ces matchs à élimination directe. Il y a un petit peu de cette fibre-là, en fait, avec cette cup qui est instaurée. C'est pas tout à fait lisible parce que c'est des matchs de poules, ça compte pour les poules et la cup, il y a les parquets, que ça pique les yeux. Ouais, d'accord, il y a un truc un petit peu forcé. On ferait peut-être mieux de faire une semaine de cup où on joue qu'une cup, voilà, et on joue pas autrement. Peut-être que la NBA fera évoluer sa formule. En tout cas, j'ai l'impression que ça prend petit à petit au niveau de la ligue, des joueurs. Parce que ce qui... les fans qui boudent la chose. Ce qui rend cette NBA Cup justement un peu particulière, c'est parce qu'elle est mélangée au calendrier NBA qui, en début de saison, est plutôt ronronnant, quoi. C'est-à-dire que tu as des équipes qui mettent un peu plus de mal à rentrer dans la compétition. Par exemple, on peut voir les Cavs. Ou d'autres qui, d'entrée, surperforment. Par exemple, on peut voir les Bulls, pour parler pour notre conférence. Et en fait, si tu veux, ça peut aussi, d'un côté... donner un élan. Donner un élan, mais aussi récompenser une équipe, tu vois, peut-être qu'on n'attendait pas forcément, tu vois. Et du coup, bon, et qui peut créer la surprise, et puis se prendre au jeu en se disant, ah, peut-être, attends, mais là, il nous manque une victoire et on se qualifie pour l'écart, tu vois. Et au final, des matchs qui, peut-être, t'aurais fait tourner, load management, machin, tout ça, bidule. Ben, au final, c'est pris un peu plus au sérieux parce qu'il y a un double enjeu. Ouais, il y a le goal average aussi. Il y a le goal average qui est quelque chose d'assez inédit c'est pour ça. Les Américains. De dire, aussi. Tiens, le score, ça compte. On gagne de 20 points, de 25, de 2. Ah ben, c'est plus tout à fait pareil parce qu'il y a un classement. Alors que dans la saison régulière, finalement, que tu gagnes que des matchs ric-rac ou que tu mettes des blowouts à tout le monde, bah finalement, c'est une victoire. The win is the win. Hein. On le sait. Là, cette nuit, spoiler, les Knicks ont gagné d'un point face aux Pacers. Déjà, c'était éviter un match piège, on s'en sort tout juste. Mais une victoire d'un point ou une victoire de 15 ou de 40, comme les Brooklyn Nets ont mis au Bucks il n'y a pas très longtemps, c'est pareil. Et bien en Cup, non. Il y a cette histoire de goal average qui rentre un petit peu en considération. Et donc, on peut voir des matchs qui sont disputés sur l'entièreté des 48 minutes. Parce que le score au final peut jouer sur le classement et permettre une équipe d'accéder à Vegas, d'accéder au dernier carré. Et après, donc c'est vrai que les quarts, tout de suite, il y a un enjeu. Avant, c'est des matchs de poule. Bon. Non, et puis cette ambiance un peu du Final Four à Vegas a une saveur aussi un peu particulière pour les joueurs. Ouais. Déjà, tu joues sur terrain neutre, c'est ça. Tu as une couverture médiatique qui est différente dans une ville qui est à part. Et puis, forcément, en fait, là d'un coup, tu redeviens un petit peu dans ce schéma universitaire, quoi. C'est-à-dire, match couperé, tu gagnes, tu continues, tu perds, tu sors. Et puis voilà, les équipes se prennent au jeu, en tout cas celles qui, au fur et à mesure. Regarde la gueule qu'ont fait Orlando quand ils se sont fait sortir, ou OKC quand ils ont perdu contre les Spurs. Tu sentais quand même que ça les embêtait, franchement, d'avoir perdu. C'est pas juste un match de régulière perdu. Ouais, c'est effectivement se dire, ah mince, on a loupé un petit truc. Effectivement, si OKC avait été champion, on aurait dit « Ah là là, ils roulent sur la Ligue, ils dominent, ils sont champions, ils gagnent la Cup. La fois d'avant, ils ont perdu la finale, mais ils se sont rattrapés. » je pense que ça va venir dans les esprits, ça va rentrer. Alors, il faudra plusieurs saisons pour tout ça, mais voilà, ça vient. Donc, ne boudons pas notre plaisir. On dit pas ça juste parce qu'on l'a gagné, hein, franchement. Oui, c'est d'autant plus kiffant que c'est les Knicks qui l'ont gagné, de voir cette équipe célébrer, de voir les discours d'avant, après match. Cette exposition, ce calendrier un petit peu aménagé, qui permet de préparer les matchs aussi. Parce que la régulière, autrement, c'est un marathon. Et un match en chasse un autre, t'as perdu, c'est pas grave, tu joues demain ou après-demain, tu regagneras. Là, t'as le temps de préparer ton match, ton plan de jeu et tout. C'est quand même... Ça a une saveur un peu différente. Ça a une saveur un peu différente quand on regarde les matchs. Après, si on regarde de loin, on se dit, la Cup, ça sert à rien. T'as regardé les matchs ou t'as pas regardé les matchs? parlons concret. La finale, elle était quand même super. Les Spurs, très bel adversaire. Alors, ils nous ont un peu surpris parce qu'on s'est dit, Victor, il est revenu sur la pointe des pieds sur le match d'avant. Là, c'est bon, il va être titulaire. Ça va jouer direct. Non. Comment il s'appelle C'est Mitch Johnson Mitch Johnson, le coach. Je suis moins au fait de l'équipe des Spurs. C'est un autre Mitch. Un autre Mitch. D'ailleurs, le nôtre a été royal. On va en parler. On va parler de tout le monde, obligé. Mais Mitch Johnson, qui a rejoué avec Victor en sortie de banc, et avec Luke Cornett, le terrible Luke. Tu sais qu'il est bon, lui, hein. Tu sais qu'il est bon, lui. Dans son registre et tout, et il nous a... Quand il était chez nous, qui aurait pu penser qu'il allait connaître une telle évolution? Il a eu son passage à Boston très bon, où il nous a beaucoup ennuyé. Et sur cette finale, il a été très bon aussi. Non, mais une très belle équipe des Spurs, hein. Ça me fait du mal de dire ça parce que je porte pas cette équipe-là dans mon cœur, clairement pas. C'est pas grave. Mais il faut reconnaître ce qu'il faut reconnaître. Voilà, de très très beaux jeunes. Castle. Je pensais à Sam Castle, l'autre. Ah, ah oui. Ça se prononce pareil, mais c'est pas, ça s'écrit pas pareil. Vassell, Fox. Bon, je suis un peu partagé sur Fox. Harper aussi. Ouais, ils ont quand même un bel effectif. Leur avenir leur appartient. Ils apprennent aussi avec cet échec, malgré qu'ils aient fait un beau parcours en Cup. Hein. Voilà, on verra de quoi est fait l'avenir pour ces Spurs. Clairement, on en a parlé, Victor, donc sortie de banc, retour à la compétition, pas un grand match sur son début de rencontre. Il a eu un passage qui nous a commencé à faire douter. On sait aussi que mentalement, voilà, c'était compliqué pour lui. Il venait d'apprendre le décès de sa grand-mère. Pour sûr, il aurait gagné, il l'aurait voilà, dédié, cette victoire, elle est pour toi, mamie, tout ça. Enfin, on connaît aussi ce storytelling-là. Voilà, c'est pas la disparition de sa grand-mère qui fait un mauvais match. C'est forcément cette perte qui le touche encore plus au moment où le match est terminé, parce que voilà, il se dit « Ah, j'aurais voulu gagner pour elle, assurément. » Bon, il y a eu un plan de jeu, il y a un retour à la compétition qui est depuis deux matchs pour Victor. Il nous a posé des difficultés. Mais il a été aussi pas si mal défendu que ça. Un coup par quatre, j'ai trouvé pas dégueulasse. Et Mitch Robinson, Monster Mitch, qui a fait un chantier sur cette rencontre. 15 rebonds, 10 offensifs en 18 minutes. Ouais. Alors c'est son job, c'est sa mission. Mitch, tu protèges le cercle, tu vas nous chercher des rebonds, des secondes chances. Tu nous mets des claquettes dunk quand t'as besoin. Les lancers, bon, on sait. Tu arriveras jamais, c'est pas grave. mais voilà. Non, mais, puis, Mitch... non, mais les lancers, ils l'ont pas envoyé sur les lancers. Ah, je veux dire, dans le... Dans le quatrième quart-temps, quand tu es en train de récupérer le momentum et de faire changer les choses, tu te dis, peut-être qu'ils vont nous sanctionner avec du Akemich pour couper notre élan. Rien. Et même hier, tu vois, lors du space sur X de Chapi avec les membres de la Spurs Nation France, même eux ont été surpris de se dire merde, ah bon, on fait pas de, tu vois, on n'essaye pas un truc pour ça se tente, leur mettre des bâtons dans les roues, ouais, bah ouais. Et en fait non, ils ont subi et je pense qu'à un moment donné, c'était un peu pas KO debout, mais dans le coin, tu sais, comme un boxeur qui est en train de prendre des coups, qui se défend. Mais ça, c'est leur côté éthique. Il n'y a pas de Akemich dans le éthique. Ben oui, tu fais un basket pur ou tu le fais pas. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, tous ceux qui nous font du Akemich, c'est pas du basket pur, c'est pas du basket éthique. Ah bah non. Non, quand même. Bah non. C'est QFD, voilà. On en avait rigolé sur l'épisode précédent, qui est toujours en ligne, qui est toujours valable. Vous pouvez toujours le retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, effectivement, Victor aussi, il avait donné d'une certaine façon le bâton pour se faire battre en disant un petit peu... Moi, je connais le basket. On joue pas un basket sophistiqué. Voilà. Après, il avait... Bon, il a dit ça d'une certaine façon en disant que les Knicks, c'était une équipe coriace, physique, dure. Ça s'est vu dans le match. Ils ont été physiques aussi, hein, les Spurs. Hein. C'est pas du basket juste beau, on fait pas de gestes, machin. Il y a eu un basket engagé, un défi physique, ils y ont répondu. Ça a bousculé les lignes côté Knicks. Hein. La gestion des fautes, c'est compliqué. Ils ont le petit rookie, là, le Dylan Harper. Là. Et lui, il est fort. Ah, lui, il est fort. Hein. Lui, waouh. Ah, Castle aussi. Castle a fait un très gros match. Début de match, mais c'est rentré un peu dans le rang trop vite. Il a disparu, lui. Donc, il était chaud d'entrée. Et deuxième mi-temps, je ne sais même pas s'il met un panier. Il a disparu complet. C'est simple, en fait. En 20 points ou plus, il n'y a que Dylan Harper qui a 21 points. Sinon, tout le reste de l'équipe des Spurs ont scoré 10 points ou entre 10 et 20 points. Mais ça a été le seul, le Dylan Harper. Et franchement, J'ai lu un moment qu'il y avait eu trois quarts-temps dominés par les Spurs avant de s'effondrer dans le quatrième. C'est pas tout à fait la lecture que j'ai. Oui, ça a été les Knicks qui étaient derrière au score. Mais les quarts sont relativement accrochés. Oui. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles des deux équipes. Les Knicks avaient plutôt bien démarré, puis après ils se font distancer, on se dit mince, ça veut pas, ça veut pas. Les Spurs ils trouvent toujours des solutions. Défensivement, c'est pas le meilleur match qu'on ait pu faire, clairement. Au final, on encaisse presque 100, enfin, on encaisse 113 points, dédicace aux 113. Les là, waouh, waouh, waouh. Je voulais ramener la coupe à la maison, mon père m'a dit. Bah vas-y. Ah tonton, bref, mon cerveau vrille, c'est l'euphorie, que voulez-vous. Mais non, 113, oui, 113 points encaissés, mais ça a été compliqué en première mi-temps, et puis on avait du mal offensivement à tenir le rythme aussi, parce que c'était un rythme assez élevé, hein, c'est assez athlétique, ça va vite en face, et puis ces lignes arrière, ces ailiers, joueurs de back courte, on sait plus trop quel poste joue qui, compliqué. Mais bon, on n'a pas vu Gershon pendant cette rencontre, on a vu à un moment aussi Jordan Clarkson. Je sais que tu le portes, enfin tu l'as dans ton viseur, dans le sens où ses performances sont quand même assez critiquables en ces derniers temps. Des problèmes d'adresse, ça arrose, ça rentre pas. Là, il a eu son petit coup de chaud. Ça nous a fait du bien quand même. Ça nous a fait du bien son petit coup de chaud qui a permis de recoller au score en début de quatrième quart-temps. C'est ça qui a fait la bascule. Il y a un moment, il y a eu une bascule. Les Knicks ont donné un coup d'accélérateur par les joueurs du banc. Lui, Tyler Collect, sa vision de jeu, son sens de la passe. C'était une prise de risque. Il y a eu aussi un coaching gagnant de la part de Mike Brown. Ça, faut le dire. Mike Brown qui a célébré, il était fou. Alors, c'est sûr, c'est un style différent de Thibodeau. Hein. on est la nuit, quoi. Ah ouais. Non, c'est, ben, comme tu l'as dit déjà, d'une, sur l'écart, on était à moins 2 à la fin du premier quart. On est resté à moins 2 à la mi-temps. On prend un pet dans le troisième. Ouais. Où on monte, à moins 11, moins 11 sur un 3 de Victor. Mais après, d'ailleurs, on arrive à revenir et on finit le quart à moins 5 et on attaque le dernier quart temps, les dernières 12 minutes. On l'attaque avec un déficit de 5 points. Et puis là, Myron décide en fait de lancer ce 5. Jalen Brown, Tyler Collect, Jordan Clarkson, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Et alors ce 5 là, il fallait l'avoir dans son bingo, parce que clairement il y avait tout pour nous dire que ça allait pas forcément marcher. Et surtout l'association Brunson Collect, qu'on se dit bon, deux petits, c'est des meneurs, Brunson, c'est pas des défenseurs. Clarkson, en face de ça, t'as quand même des mecs qui sont montés sur suspension hydraulique, sur ouais, sur ressort, avec des mecs comme tu l'as dit, Castle, Vassell, Fox, Harper, enfin voilà, tu as puis même Victor ou Cornette, je veux dire, ça dissuade quand tu arrives dans la raquette. On sent quand même, quand on attaque une raquette avec Victor en face, les joueurs refusent des tirs, font des pas en arrière, font des tirs drop beaucoup plus haut, des flotteurs beaucoup plus haut. Il y a une dissuasion. Il n'y a pas forcément tout le temps le contre qui va bien ou tout ça, mais ça dissuade, ça change la façon de jouer. Donc là, les joueurs le savaient, on ne s'est pas heurté à Victor plein de fois. Tant mieux, le match était préparé, heureusement. Mais ça change la donne quand même. Ça change la donne. Donc c'est vrai qu'attaquer avec ça... Et ce 5, alors que là, le match était serré, accroché, c'était une prise de risque, quoi. C'était une prise de risque. C'est ça. Et ce 5, eh ben, passe en 4 minutes un 15-3 aux Spurs. Ce 5 passe un 15-3 aux Spurs. Ça commence par un 3 de OG, je crois. Ensuite, derrière, tu as deux bombinettes de Clarkson. OG, Jalen Brunson qui rescore. Enfin... Et Clarkson se révèle, retrouve une adresse qu'il n'avait pas eue jusqu'à présent depuis le début de la saison, une adresse à 3 points. D'ailleurs, il finit le match à 3 avec un 3 sur 7. Il finit avec 15 points. Mais en fait, il nous fait un quatrième quart de toute beauté, avec un collègue aussi à la baguette. Un collègue qui finit en 14 points, 5 passes, mais, et 5 rebonds. Et parce que mine de rien, ben, défensivement, il a été présent aussi. Il a arraché des ballons. Passage en force de siffler, tout ça. Fin... Non, il a été déterminant dans son approche au match, dans son impact par rapport au match. Et si bien que, ben, en fait, ouais, on a cette paire de wingstoppers. un peu improbable. On pouvait attendre OG. OG fait une grosse, grosse finale. OG on pouvait attendre Mikal. Bon, Mikal peut-être un peu plus mitigé de par son jeu offensif. Mikal a été embêté par son adresse. 1 sur 5 à 3, 4 sur 12 au tir. 11 petits points. Voilà, un peu plus compliqué, mais non, les c'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon on gagne. Les deux facteurs, c'est pas OG, parce que OG on a l'habitude qu'ils produisent, donc c'est plus, c'est plus un facteur X OG à ce niveau-là. Mais il fait une très belle finale, parce que 5 sur 10 à 3 points, 9 rebonds, voilà, il fait une super finale. Le travail il a l'habitude sur, des finales, il a. Il faut le pas travail dire, sur Victor, le travail sur Victor, le travail défensif après, il a été déchargé de sa mission sur Victor, il a fait autre chose. Non, mais les deux facteurs X sont Clarkson et Colec qui ont été déterminants dans ce quatrième quart-temps. Et il fallait. Mike Brown, tu vois, c'est en ça en fait où en fait on parlait pour certains, c'était en ça moi pourquoi je voulais un renouveau dans le coaching. Quelque chose qui rompt avec les habitudes de Tom Thibodeau. Parce que ça, clairement, Mike Brown a fait quelque chose que Tom Thibodeau n'aurait pas fait les années précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, il se serait appuyé dans ce quatrième carton pour revenir sur son 5. Il aurait fait confiance à son 5 en disant c'est eux qui vont avoir la solution. Et Mike Brown, en fait, ben, ça l'emmerde pas, lui, de « Ah ben attends, ben, on va revoir. » Et ben Mikal, benché sur le quatrième quart. Mikal, benché sur le quatrième quart, tu le joues quasiment pas. Et ben c'est pas grave, tiens, il me faut un deuxième Bolander à côté de Jalen Brunson. Il fait revenir Collect dans le quart à un moment où JB perd un ballon. Il y a un pressing défensif assez important et il se dit allez, je rajoute Collect en plus, comme ça il y aura deux bons porteurs de ballon, puis Collect il perd pas un ballon. Donc voilà. Mais quand il l'a, il le garde, non, puisqu'il le distribue beaucoup, mais il n'en perd pas. Donc du coup, c'était une sorte de seconde assurance vie, ceinture bretelle. Mais voilà, c'était un parti pris. Alors c'est vrai que Colec ces derniers temps profite de l'absence de Deuce McBride qui est blessé. Ouais. Il y a également Landry Shamet aussi. À voir quand tout ce beau monde sera revenu s'il y a encore autant de place pour Colec. Mais en tout cas, il a marqué des points. Ben, disons que il saisit sa chance. Je t'aurais dit si c'était Tom Thibodeau, je t'aurais dit oui. Il va retourner gentiment s'asseoir sur le banc. Merci pour tout pour ta Colec Sanity. Et puis, écoute, on se revoit sur une nouvelle blessure. On n'est plus avec Tom Thibodeau en coaching, on est avec Mike Brown. Et du coup, nous aussi, on le découvre. Et quid de comment ça va se passer pour lui dans le futur. Mais force à parier que s'il continue à jouer comme il le joue, et spoiler, regardez cette nuit le match contre Indiana. Il a été très bon, notamment, il a fait un double-double. Il a fini avec, je crois, 16 points et 11 passes. Mais s'il continue comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois, en sortie de banc, l'associer avec Miles McBride? Je pense que ça peut très bien marcher parce que McBride aussi est plutôt un pétard plutôt qu'un créateur. Et puis, on cherchait un créateur et peut-être qu'on est quelqu'un qui est en train de se... De se révéler. En parlant en ce début de saison, au début de la saison, je te disais, moi, Tyler Colec, je lui aurais dit, écoute, tu prends des vidéos de Chidi McConnell et tu les bouffes et tu regardes ce qu'il fait. Et c'est marrant parce qu'en fait, Mike Brown, cette nuit, après le match contre l'Indiana, a dit, justement, il est revenu un peu sur les deux matchs consécutifs où il a été bon. Il a dit, c'est pas parce que c'est un petit blanc que je le fais la référence par rapport à ça. Mais disons que, il dit, voilà, ce qui fait la différence. Je lui ai dit de s'inspirer justement de TJ McConnell. Il dit, parce que qu'est-ce qui fait de sa longévité? Déjà d'une, parce que défensivement, il arrive à apporter. Et c'est vrai qu'il arrive à faire des choses relatives à sa taille. Tu vas pas le voir faire du OG Anunoby ou faire du Mitchell Robinson. Mais tu vas le voir provoquer un passage en force, tu vas le voir provoquer une perte de balle. L'attention, l'énergie, c'est ça qui est important. Gêner les transmissions, se mettre sur les lignes des passes. Et il est petit, il a un centre de gravité bas, il est véloce. Donc c'est vrai que c'est plutôt gênant. Et donc il lui a dit ça. Et puis il lui a dit aussi, en fait moi ce qu'il lui a dit, tu as deux super pouvoirs. T'en as un, en fait, où tu t'arrives à pénétrer, t'as ton justement, ton ball handling, ton dribble, qui fait que t'as quand même une facilité à pouvoir pénétrer, casser les lignes. Et t'as une deuxième ligne, qui est ton deuxième pouvoir, c'est la passe. Il dit, oublie, si tu as des trois, prends-les. Si les trois ouverts et que les équipes donnent des trois, prends-les. Il dit, mais en fait, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, ce que je veux, c'est que justement, tu sois à la création et que tu t'inspires un peu de ce que fait McConnell. Et à la fin, il a dit, et je veux que tu te fasses un troisième super pouvoir. C'est justement ça, faire ce que tu peux faire pour la défense. Et c'est comme ça qu'en fait, tu te pérenniseras dans la NBA. Et comme on l'a toujours dit, comme tu l'as toujours dit, la NBA, les joueurs, c'est aussi une histoire de rôle et de trouver son rôle. Et s'il arrive à trouver son rôle dans cette équipe-là, où maintenant il est adoubé par le capitaine qui à l'issue de son discours de MVP, le cite. Et hier, pareil, hier, il dit... Il remercie le Seigneur. Seigneur de nous avoir donné Tyler Colec. Il dit, j'ai été dégueulasse, il m'a sauvé. Et donc, s'il est adoubé par le capitaine, moi, je me dis, il y a moyen qu'il continue. Alors, peut-être pas sur des 25 minutes par match, évidemment. Mais... que tu vois que le coach l'associe plus souvent à Jalen Brunson, que le coach le fasse plus souvent sortir. Tu sais, à un moment donné, comme on dit, une saison est longue. Il y a des gens qui rentrent dans des rotations, il y a des gens qui en sortent. Les rotations de début de saison ne sont pas les mêmes que celles de fin de saison. Tu as des gens qui gagnent des places, des gens qui perdent des places. Et bien peut-être que lui est en train de gagner sa place. Donc on verra. Il y a des gens qui se font trader. Il était dans des rumeurs, on parlait de José Alvarado, pourquoi pas un départ de Colec. Ouais. Ça peut lui donner de la valeur aussi, si c'était un trade. Et il est en train de gagner il est en train, mine de rien, parce qu'il y avait quand même, pour Tyler Colec, un petit sentiment un peu touchant le concernant. On savait que les Knicks l'avaient bien aimé, on savait que lors de la draft de l'année dernière, ils vont le chercher. Ils vont monter pour le chercher. Ouais. Voilà, ils vont le chercher, ils le signent tout de suite. Parce que Leon Rose croit en lui. Il performe l'année dernière en G-League, plus compliqué dans la Grande Ligue. On s'était dit, au début de saison, tu te rappelles, Tyler Colec, peut-être que c'est le moment. Et puis en fait, il a du mal à démarrer. On s'était dit, sur les 10 premiers matchs, c'est lui avec Gershon, le grand perdant de ce début de saison, parce qu'il a disparu en fait, c'est lui, il joue pas. Et puis, par le jeu des blessures, hein, comme une saison NBA peut en connaître, le coach refait appel à lui. Et là, cette fois-ci, il a dit, ok coach, je suis présent, je suis là. Il a écouté les conseils, visiblement, hein, les conseils de... Parce que c'est vrai que il joue un peu différemment, il provoque plus, il percute plus. Et puis, écoute, à notre grand bonheur, il est aussi en train de gagner un peu le cœur des fans, un peu justement de cette petite lune de miel qui est en train de se créer. Donc, voilà. Espérons que ça dure le plus longtemps possible pour lui. Il n'est que sophomore. Il a peu joué la saison dernière. Il a plutôt performé en G-League. Ils avaient gagné un titre avec l'équipe de Manchester Knicks la saison dernière. La Cup aussi. L'équivalent de la Cup, tout à fait. Alors que cette saison, c'est quand même beaucoup plus compliqué du côté de la G-League. Hein. Ça ne gagne plus grand-chose. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? On vous laissera vous faire un avis là-dessus. Mais en tout cas, oui, en ayant éclos, on va dire, un peu plus aux yeux du public, du grand public, sur une scène qui n'est pas n'importe laquelle, qui est Vegas en finale de la Cup, ça va lui donner des raisons d'espérer. Et pourquoi pas Mike Brown de l'utiliser encore, même avec le retour des blessures que seront les retours de McBride. Mais comme Jones, quoi. Comme quoi, et Landry Shamet. Donc il y a peut-être une place à les pérenniser. Merci Malcolm Brogdon d'avoir pris ta retraite. Comme quoi on peut avoir, oui, c'est vrai, déjà dû. Et puis comme quoi on a peut-être un banc qu'on sous-estime. Ouais. Alors après, performer un jour, c'est pas performer toujours. Bien sûr. Est-ce qu'on ferait pas un petit Nick of the Week, un nouveau, là, pour l'occasion? On a parlé de pas mal de attends, joueurs. Attends. Par contre, on n'est pas du tout revenu. Au moins, ça se cite sur le match de Mitchell Robinson. Ah bah oui, j'allais en venir. Il y a plein de gens qu'on a évoqués. Incroyable. Mitch a été monstrueux. Monster Mitch. Oh, punaise. Le mec, il s'est exprimé, alors je sais plus par quel média, j'ai vu passer ça récemment, en disant, bon, moi, j'ai performé quand j'étais dans le 5, j'ai performé quand je suis en sortie de banc. En gros, mettez-moi où vous voulez, de toute façon, je fais mon boulot, je fais ma mission, je performe, voilà. C'est vrai qu'avec Mitch, on sait ce qu'on va avoir, on sait ce qu'on va pas avoir. Et là, sur cette finale, bah, il avait une mission, parce que Victor Wembanyama, c'est compliqué à défendre, Mitch sort du banc, Victor aussi, donc match-up en direct. Ouais. Bon, pas simple. Et il a pas pris la marée face à Victor. Non. Alors, peut-être que sur une action ou deux, vous allez nous en sortir en disant... Ah, après, là, c'était face à Victor en phase de reprise. Pas 100% non. Physiquement, mentalement, tout ça, voilà. Tout ça, oui. Donc, c'était pas... Voilà, c'est... On va mettre la finale. Mais lors de la finale, en tout cas, après on savait que au niveau du rebond, c'était pas une surprise, mais Victor a plus de difficultés au rebond. Parce qu'il faut y aller au contact, au bunyabun, comme disent certains. C'est pas forcément comme, jeu, quoi. Un peu comme Porzingis, tu vois. C'est des grands qui s'écartent aussi, qui jouent assez au large dans leur jeu, qui ont de la mobilité, qui produisent offensivement. Là, sur le profil de Mitch, bah, on a un mec qui campe entre guillemets dans la raquette. Ouais. Donc, ouais, va chercher des rebonds. De toute façon, t'es là pour ça, t'es payé pour ça, c'est ta mission, on attend que ça de toi. Et Pépère, il a des épaules. Hein. Il a des bonnes joues aussi, hein. Il mange bien le garçon. Il est... tu te rappelles un peu, au tout début de sa carrière, il était un peu skinny. Tu vois qu'il conduit des Monster Truck. Hein. Là, c'est... Après, c'est diverses périodes de rééducation aussi, parce qu'il a été blessé très régulièrement, Mitch. Bah, je pense qu'il travaille le physique, quoi. Ouais, vas-y, pousse de la fond. De toute façon, tu peux pas jouer. Donc, le haut du corps, quoi. Mais du coup, il a ce bon placement, il a ses longs segments, il a de très longs bras. Donc, c'est vrai que c'est quand même des fois gogo gadget au bras, quoi, quand il attrape les ballons en l'air comme ça. Puis, il se bat bien, il arrive à bien les ressortir. Cette verticalité qui, face à un Victor, bah, c'est utile. Et après, bah, forcément, ça amène des deuxièmes ballons, ça amène des deuxièmes chances, et c'est hyper important, la bataille au rebond. Donc, le match de Mitchell Robinson, la finale de Mitchell Robinson, voilà, à un affrontant... 15 rebonds en 18 minutes. 15 rebonds en 18 minutes, c'est quasiment un rebond par minute, quoi. Et donc, 10 offensifs. Après, peut-être on sait que... Il y a des liens amicaux entre lui et Luke Kornet. Alors peut-être que Luke Kornet, tu vois, a été sympa avec Mitchell Robinson. Je pense pas. C'était pour la blague. Bon, on a parlé de Kolek, on a parlé de Mitch, on a parlé de Clarkson, on a parlé d'OG, on a parlé de JB, Michael vite fait, c'est pas grave. Josh, parlons-en. Bon, ils ont été dans leur standard, on va dire, même si d'un point de vue production statistique, on pourrait se dire, il y a plus de points sur certains matchs, il y a plus de rebonds sur d'autres. Josh, il nous fait 11 points, 8 rebonds, voilà, avec de l'énergie, et un 3 points. Il est à 1 sur 3, mais le 3 points qu'il nous met... Ah, mais pour moi, c'est ce 3 points qui fait... C'est le dagger avant le dagger, quoi. Ouais, enfin, sur la truffe à De'Aaron Fox. Ouais, parce qu'il n'est pas respecté, il n'est pas défendu serré, mais le chrono défile... Il a arrêté, il shoot relâché, et ce 3 qui rentre là, de toute façon on était dans ce moment d'euphorie où il y a tout qui rentrait. Mais il faut avoir les cojones pour le prendre, il faut le mettre, ça change tout, parce que 1 sur 3, il était à 0 sur 2 avant, c'est Brunson qui est un peu pris, le ballon qui lui arrive... C'est pas nécessairement à Josh Hart qu'on pense pour prendre ce genre de tir à responsabilité. Et ben, il a pas fui ses responsabilités, il l'a mis. Voilà, c'est aussi cette force du collectif, cette confiance des uns vers les autres. C'est ça qui est beau avec cette équipe aussi. C'est aussi ça qui nous fait kiffer cette équipe. C'est que oui, il y a des grosses individualités. Oui, Brunson fait un gros match, il est défendu, il prend beaucoup de shoots. Karl Anthony Towns, c'est pas sa meilleure ligne de stats, mais il est dans le combat, il prend un coup, il revient quand même dans le match. Bon, c'est 6 sur 12 au shoot, 2 sur 5 à 3 points, 16 points, 11 rebonds pour 4 en 30 minutes. Et Josh Hart aussi, hein, qui se sacrifie. Il, à un moment donné, il prend un coup dans les coronets, là, dans les coucouilles. Ensuite, il prend sur une bataille au rebond. C'est pour ça qu'il n'a pas joué hier. Et cette blessure me dérange un peu parce que... Alors, c'était abdominal. Je crois que c'est à peu près la même chose, déchirure abdominale. 2 ans là en playoff, ouais. En finale, en demi-finale de conférence contre les Indiana Pacers, pareil. Il avait cette déchirure abdominale, ça j'aime pas des masses, les blessures musculaires comme ça. Ça peut mettre du temps à guérir, mais et puis il se ménage pas. On sait qu'en ce moment il joue pas mal parce qu'il a retrouvé le 5 majeur. Ouais, il a un rôle très important, un rôle de lion, un rôle de rebondeur. Son doigt, son machin, son truc. Non mais il se sacrifie. Et c'est en ça où les gens me disent, ouais, la cup, il joue pour l'argent. Le mec, il joue pas pour l'argent, il laisserait son cœur, sa vie sur le terrain, sur le parquet. Voilà, il est digne du numéro 3 qu'il porte. C'est un joueur qui mesure pas ses impacts, ses efforts, son énergie. C'est super plaisant à voir jouer et c'est en ça où il va complètement dans l'ADN Knicks. Et puis en plus, c'est un clown qui nous fait rire avec ses conneries, hein, producteur d'olives, maintenant on le sait. Pareil, sur le podium, genre il fait le mec surpris quand ils appellent le MVP Jalen Brunson. il nous refait le coup de « il y a de l'argent et tout, ah, sacré Josh, non, qu'est-ce qu'on ferait sans lui ?» Ah bah, c'est un bout en train, mais à la fois un super basketteur. Lui, tu sais que... Il fera partie des figures quand il sera quand il sera plus vieux, tu sais, et qu'il aura pris sa retraite et qu'il sera invité au Madison Square Garden. Il fera partie des figures marquantes de cette décennie Knicks, quoi. Cette épopée Knicks, de cette ère Knicks. Est-ce qu'il aura son numéro 3 retiré au plafond? C'est encore trop tôt pour le dire, parce que pour l'instant, ça... Son aventure avec New York n'est pas terminée. Mais si un jour il venait qu'à y avoir un titre NBA, des questions devront se poser parce que du coup, là, le cahier des charges sera rempli, tu vois. Parlons-en avant de parler du joueur de la semaine, du joueur de cette finale, de qui on va honorer. On a parlé de. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout le monde, là, des joueurs. Certains n'ont pas joué. Dommage, mais malheureusement pour les matchs en jeu, des fois, il faut faire des choix. Et les choix ont été faits. Les choix étaient bons puisque les Knicks ont gagné. Mais justement, on parlait du numéro 3. Il y a peut-être un numéro 11 qui prend vraiment cette direction d'aller au plafond. Mais les Knicks, déjà, ont un petit peu communiqué sur la façon dont ils allaient célébrer cette cup. On pouvait s'attendre à une bannière, même si c'est pas une bannière de champion, c'est une bannière de victoire de cup. Donc, vous pouvez la designer différemment, vous pouvez faire une bannière horizontale plutôt que verticale. Il y a plusieurs façons de faire. Les Lakers, qui ont un plafond plutôt rempli, ont mis une bannière. Les Bucks, qui ont un plafond moins rempli, mais tout de même un titre NBA, il n'y a pas si longtemps que ça, ont mis une bannière pour la cup. Les Knicks, semble-t-il, par rapport aux insides de Yann Begley et Shams Charania, ne mettront pas de bannière. Bonne, mauvaise idée. Oui, il est dit que les Knicks ont une ambition plus grande, ont des objectifs plus grands. L'idée, c'est que ça ne soit pas un coup d'arrêt, que ça ne soit pas une consécration, cette cup, que ça s'arrête maintenant. Ouah, bravo, on a gagné la cup et la saison elle est finie, il ne se passe plus rien. Non, il y a un autre objectif, c'est plutôt une étape. On valide un palier, ça y est, on a la cup. On est, entre guillemets, la meilleure équipe de l'Est, ou du moins, on veut le prétendre, et la cup valide cet aspect-là. Mais voilà, il y aura célébration ce soir dans la réception des Sixers au Garden pour le match du retour à la maison, la coupe à la maison. Comment ça va être célébré, on ne sait pas encore. Visiblement, pas de bannière. C'est une bonne, mauvaise idée. T'en penses quoi, toi, de cette histoire de « Ouais, non, nous, les Knicks, on pense pas mettre une bannière. » J'en pense que... T'aurais mis une bannière, toi ? Les Lakers ont mis une bannière. On s'est moqué d'eux. Les Knicks disent, nous on met pas de bannière, on se moque d'eux. Bon, quoi que tu fasses, de toute façon, il y aura toujours eu des gens qui se seront moqués de la décision qui avait été prise. Je peux comprendre d'un certain aspect, dans le sens où, les gars... C'est pas une fin en soi. Ouais. Bravo, ok, mais c'est pas ça qu'on veut. On reste focus, parce que, ok, c'est une étape. Ok, on a validé, entre guillemets, l'étape de premier tiers de saison en mode on est dans les clous, on est dans les temps de là où on voulait être. C'était parce qu'il a dit que c'était un objectif de saison, Jalen Brunson. Il a dit donc c'était quand même c'est le mec, il s'était the dude, il s'était fixé ça visiblement, donc ils sont dans les temps de passage. Mais t'as vu qu'il y a une espèce de malédiction du vainqueur de la Coupe. Oui. Qui... Oh, regardez, chaque vainqueur termine, se fait éliminer au premier tour. Alors, pour rater l'info, il fallait quand même, il fallait le faire parce que, je veux dire, bizarrement, je sais pas si les Spurs, s'il avait gagné, cette info aurait été autant relayée. Parce que là, les Knicks l'ont gagné. Ah, attention, ou si OKC l'avait gagné, on aurait dit quoi? Parce que bon, c'est bien mignon de dire, bon, regardez, les vainqueurs, ils sortent assez vite. Faut pas oublier les finalistes, hein, parce qu'il y a une finaliste aussi. Hein. Indiana est finaliste perdant sur la première édition, ils vont quand même en finale de conf. OKC est finaliste perdant la saison dernière, ils sont champions NBA. Donc bon, voilà, est-ce que les Spurs seront champions NBA ou iront en finale de conf? On verra. Champion NBA, j'avoue, j'ai un doute hein, pour l'instant. Mais je pense pas qu'on sera... Jacques Monclar en a parlé sur Bein Sport parce que après, pareil, on lui a dit « Ah, regarde, il y a une malédiction et tout. » Il a dit « Non, mais ça n'a rien à voir. » Ok, faut voir l'état de la conférence Est, faut voir l'état de l'équipe, quelle est la dynamique et tout. Bon, si les Knicks terminent 1, 2 ou 3, faut y aller pour sortir, se faire sortir au premier tour. Ça serait sacré upset. Grosse blessure, ça serait sacré upset, ça serait un accident industriel. Rien n'est impossible dans le sport, mais c'est peu probable. Aujourd'hui, les bookmakers voient les Cavs sortir de l'Est, être champion de l'Est. C'est une grosse cote au regard de leur position dans la conférence Est. Oui, encore maintenant. Alors, je sais pas si tous les bookmakers, j'avoue, je parie pas. Toi qui travailles dans le milieu de la nuit, peut-être que tu le sais. Mais, mais non, chez Winamax, je crois, pour pas les citer, ça ressort encore. Bon, bref, un autre. Et les Knicks seraient que deuxième. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas, non. Il y a peut-être une malédiction. Eh ben, on sera peut-être les Knicks cette saison qui vont casser cette malédiction. Quoi. Ça m'a fait rire parce que c'était vraiment très souvent souligné. Ah, attention quand même, les Knicks. Ouais, tu sens que les Knicks, ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné. tu sens quand même que... Ou alors, c'est sûr, les Knicks, ils vont mettre une bannière. Alors là, c'est sûr et certain. Les connaissant, en fait, non, mon con, tu les connais. Enfin, tu les connais pas tant que ça, en fait. C'est... non. Donc, ouais, écoute, et ils la mettent moi, pas. Moi, personnellement, peut-être, je trouve ça dommage. Peut-être qu'ils la mettront en fin de saison. Peut-être qu'ils font en fin de saison un petit truc, un petit machin, en disant, bon, ok, d'accord, ça c'est fait. En finale de conférence, par exemple, on perd en finale de conférence, comme l'année dernière. Et bien, peut-être que, tu sais, il y aura une petite cérémonie, peut-être post-saison, qui dira, ben voilà, ben bravo, n'empêche que ça a été une belle saison avec notamment la Cup remportée. Elle figure là-haut pour quand même souligner, tu vois, il y aura peut-être quelque chose. Mais je me dis, voilà, tu sais, il ne faut pas que les joueurs se disent, je pense que c'est ce que se dit la direction, on a fait quelque chose, on peut se relâcher. Non. Le style de la maison, on l'a bien vu, il y a eu des joueurs qui ont été ménagés parce que il y avait de la blessure, il y avait de l'énergie donnée, il y avait beaucoup d'influx qui étaient partis. Derrière, le match face aux Pacers, il a été compliqué, mais ils l'ont gagné. D'un côté, ce qui s'est passé à Vegas, ça reste en tête, c'est récent, il y a eu de l'euphorie, tout le monde est content. Ça marquera l'histoire de la franchise. Oui, faut le dire quand même. Une cup comme ça, elle est peut-être récente, cette compétition, mais c'est une victoire souvent. Voir l'équipe soulever un trophée. Spike Lee qui a vécu en tant que gosse dans le Madison Square Garden les titres des années 70. Mais il a kiffé cette finale. Faut vraiment pas être un fan d'Enix pour dire ne pas avoir apprécié cette finale. J'ai du mal à comprendre comment, fan de cette équipe, on peut dire bof. Un peu pisse-froid, quoi. Voilà. Ouais, on veut mieux, on veut plus, on veut juin, on veut le vrai trophée, le Larry O'Brien. C'est celui-là qu'on veut. D'ailleurs, quand on l'a gagné dans les années 70, c'était pas le même trophée. Hein, d'ailleurs, il n'a pas la même forme. Mais pour autant, un titre, c'est un titre. Il n'y a peut-être pas à faire un remise de bannière là, maintenant, tout de suite. Moi, je verrais plutôt à la fin de la régulière. Imagine, on est champion de conférence division parce qu'on a le meilleur bilan, boum, et ben tu mets champion de conférence et tu mets la coupe dessus, quoi. C'est pas une bannière à part entière, mais tu fais une deux en un. Et puis après, on lance les playoffs et advienne que pourra. Mais attendre la saison prochaine, c'est un peu délicat parce que si on est champion, t'en fais une avec plein de trucs dessus. Tu la mets pas alors que. Ou t'en mettras deux, je sais pas. Mais ça serait malvenu en tout cas que nous, les Knicks, où on n'a pas des masses de trophées, des masses de bannières. On a des titres de champion de division, enfin des bannières de champion de division et on va pas mettre la cup. Voilà, va falloir trouver le bon compromis. Peut-être que tout de suite c'est pas le moment. Peut-être que trop tard, ça sera trop tard. On a oublié de retirer des maillots, ben on s'en mord un peu les doigts maintenant. Mais ne faisons pas, on va dire, les gros bourgeois. Non, c'est pas pour nous. Ça serait malvenu. Je vois qu'il y a une bannière de Harry Styles, je sais pas comment on prononce, qui a performé 15 fois au Madison Square Garden, qui a son truc retiré là-haut. On va bien mettre une bannière pour la Cup quand même. Exagérez pas, exagérez pas. Donc voilà, je pense que c'est plus pour mûrir la façon dont ça va se faire. Je sais pas si les Lakers l'avaient retiré tout de suite, je sais pas si les Bucks l'avaient retiré tout de suite, mais ils avaient quand même monté quelque chose là-haut en souvenir. Ça sera important de le faire, je pense, parce que ça restera quand même un beau souvenir pour les Knicks, pour les Knicks fans, pour l'histoire, pour la... pas la salle, parce que ça s'est pas passé chez nous, mais c'est comme si on gagnait un titre à l'extérieur. Puis gagner des matchs à l'extérieur, on en avait besoin, et ben maintenant, on sait le faire, on sait le faire. Bon voilà, dites-nous en commentaire si pour vous, faut mettre une petite bannière ou pas, quelque chose, un truc pour ces mecs. Hein. Allez, on revient au joueur de la semaine, puis après on parle d'un dernier truc. Il faut rester jusqu'au bout avec nous, il y a une petite surprise qui vous attend. Ouais, alors, et puis, joueur de la semaine de la finale. Et puis on pourra faire un tout petit, moi je voudrais juste faire un tout petit focus sur notre bilan, hein, sur notre forme actuelle, parce qu'il y a, quand même 2-3 petites choses à dire sur... Je vais nous en parler dans quelques instants. Qui on désigne pour le Nick of the Cup, on va y appeler ça comme ça. On a parlé de beaucoup de joueurs. C'est dur, ça a été dur de choisir. Et on a fait un choix qui n'est pas un choix. Mais notre choix est fait. Notre choix, c'est la paire Clarkson-Colec. Voilà, cette photo, elle résume très bien ce côté euphorique. Ouais. Ce côté game changer, ce facteur X. C'était deux facteurs, les facteurs passés à Vegas, et oui. Et à la fois Colec, à la fois Clarkson, bah, ils ont permis de faire un moment de bascule dans cette finale. Alors oui, Brunson, oui, OG, oui, Mitch, oui, tous en fait. Bien sûr. Tous. Même ceux au banc, ils se sont levés, ils ont célébré tout ça. Le coach aussi, le coach, c'était important. Léon Rose, qui était un peu retrait, mais qui est venu un petit peu. Il était là, viens prendre des cotillons aussi. On l'a vu, Léon. On n'a pas vu James Dolan. Pourtant, il est un peu chez lui. Il a sa grosse bouboule, ça se ferme. Non, bizarrement, il n'est pas venu parler avec Adam Silver. C'est bizarrement. Bizarre. Quand on parle d'extension pour des équipes à Vegas, peut-être que lui ne veut pas partager. Je sais pas. Bref. Pas de spéculation, non, donnons les lauriers à ceux qui le méritent. Et peut-être que ça sera dur de leur redonner un peu plus tard dans la saison. Quoique, on sait jamais avec ces loustiques-là. Et ben voilà, ça sera Clarkson et Colec, le Jordan Colec, le Tyler Clarkson, appelez ça comme vous voulez, le Colson ou le Clarkexex, je sais pas comment vous voulez. C'est le duo qui nous a fait chavirer, un peu improbable, on n'aurait pas forcément misé sur eux. Et ben c'est eux qui ont permis de faire la différence dans ce match. Et rien que pour ça, un titre à la maison, ça fait tellement longtemps. De notre vivant, on n'en a pas connu. On va pas mourir tout de suite, mais quand même, merci à eux d'avoir permis de gagner un titre à New York. On est champion des champions. Bon, maintenant que c'est fait, ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas. On aimerait bien ramener ça au mois de juin, mais on en parlera au mois de juin. On regarde quand même un petit truc là. Il y a un petit truc à vous annoncer. Ouais, allez, on regarde vite fait un petit bout de programme de ces vacances. Let's go. Alors de quoi on veut parler ? Du All-Star Game ! Oui ! Bon, All-Star Game, vite fait, hein. C'est nul le All-Star Game, c'est comme la Cup, ça sert à rien, les joueurs ne veulent pas jouer, on leur donne de l'argent. Eh, c'est pas grave, c'est un concours de popularité, les Knicks doivent être populaires en 2025 et en 2026. Oui. Donc si vous voulez savoir comment voter, eh ben c'est tout écrit là. Hein, voilà, il y a l'application des Knicks. Si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, c'est bizarre, vous n'êtes pas un fan des Knicks. Et c'est le moment en fait d'être chauvin en fait. Il n'y a pas de « Attends, je vais faire peut-être une équipe cohérente ». Déjà d'une, il n'y a plus d'histoire d'équipe cohérente, puisque maintenant, voilà. En fait, tous les postes sont mélangés, donc tout le monde n'en a rien à faire. Et en fait, bah, vous supportez une équipe, on supporte nos mecs, et on essaie d'en envoyer le plus possible. Pourquoi pas envoyer Colec ? Si vous voulez l'envoyer. Il y avait bien Jeremy Lin qui avait été rajouté au Rising Star la dernière fois, donc bon, enfin la dernière fois, ça date. La semaine dernière. Ouais. Mais en tout cas, vous avez du beau monde, vous avez du choix, n'hésitez pas. Mitch, pas Mitch, 4 pas 4, JB, pas JB. Bon, il y a des noms qui nous paraissent un peu évidents. Il y a des journées où ça compte double, voire triple, hein, le fameux triple. Donc, n'hésitez pas à voter depuis l'application, depuis le portail de NBA.com. Et puis l'application des Knicks qui vous remplit directement le starting five de l'Est avec que des joueurs des Knicks. Comme ça, c'est réglé, c'est simple, il n'y a plus qu'à cliquer en deux clics, c'est parti. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Mais on voulait vous reparler d'autre chose que de la Cup, mais pas que ça. Toi, tu voulais nous parler un petit peu du bilan. Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas vers moi, le bilan de la conférence Est, sans rentrer complètement dans le détail, avec cette petite victoire à Vegas qui ne compte pas, mais avec cette victoire des Knicks dans l'Indianapolis, conjuguée avec la défaite des Pistons face aux Mavs. Les Knicks ne sont plus qu'à une petite place de... la place 1. Donc la meilleure équipe de l'Est, peut-être que c'est dans le viseur, c'est l'un des objectifs d'Enix aussi. Il va falloir suivre cette seconde partie. C'est pas vraiment une seconde partie hein. Après la Cup, généralement on parle plutôt du post-All-Star Game, mais en tout cas l'hiver va être intéressant à suivre. T'as d'autres équipes dans ton viseur dans la conférence Est, Seb ? Non, c'était pour parler un petit peu juste de nos derniers matchs. Bon, déjà d'une, en comptant le match de la Cup, on est sur 7 victoires consécutives. Et sans le compter, bon, ben, forcément, on est sur 6. Sur les 10 derniers matchs, on n'a perdu qu'une fois contre Boston. Et donc, on est quand même sur un 9-1 sur les 10 derniers matchs. Ce qui est quand même. Pas tellement finalement dans la observateur de la NBA. C'est donc on est quand même plutôt en forme. Et puis aussi ce qu'il faut voir c'est que on met des points mais on a quand même réduit la voilure au niveau de nos points encaissés. Alors là contre Indiana on a encaissé 113, contre San Antonio 113. Alors contre Orlando c'était un match euphorique, on était à 120 mais après 101 contre Toronto, 100 contre Orlando, 112 contre Utah, 104 contre Charlotte, 84, il y a un peu de mieux. 94 contre Toronto. Et donc, tu vois, sur les 10 derniers matchs, on est redevenu une équipe qui défend plus. Et du coup, on est quand même au niveau des ratings, on est remonté. On est toujours une des meilleures attaques, hein. On envoie du gros. Mais au niveau défensif, on sent qu'il y a des choses qui sont aussi là en train de se mettre en place. On voit un 4 qui défend en plus, en tout cas sur les... Il faut le dire. Sur le match contre San Antonio et sur le match contre Orlando, ben on l'a vu quand même s'il filait plus en défense. Il faut quand même le souligner. On a aussi le retour d'Oji qui a fait énormément de bien. On va pas se voiler la face. Il est revenu très très bon. Et puis mais des deux côtés du terrain. Parce que là encore sur la Cup, beau match. Hier, Oji qui semble-t-il a demandé des conseils à Dirk Nowitzki pour son shoot. Ouais, visiblement c'est ce qu'il a dit. T'as tapé à la bonne porte. Mais hier le match en est un petit peu le, tu vois, symptomatique, c'est que. On a donc JB qui nous met ce dagger incroyable à 3. Il reste 4 secondes au chrono et remise en jeu après temps mort des Pacers. Et OG fait l'interception du ballon dans les mains de Siakam. Hyper véloce, hyper agressif. Et ça en était, tu vois, JB au scoring, OG à la défense. C'était vraiment, tu vois, le focus des deux. Donc, on retrouve une défense. Et on fait un très beau mois de décembre qui, pour l'instant, on a connu qu'une seule défaite au mois de le 3, contre Boston, dans ce match, la 123-117, un peu gênant. Mais sinon, le reste, pour l'instant, en tout cas, très très bon, quoi, au niveau de ces derniers matchs, de ces 10-15 derniers matchs, quoi. Clairement, la dynamique est bonne. Le bilan depuis l'arrivée aussi de Josh Hart dans le 5 de départ est très bon. Le retour de Mitch Robinson sur le banc, visiblement, ça ne lui pose pas de problème, que ce soit dans sa tête, mais aussi dans son jeu. Donc c'est parfait tout ça. Pour l'instant, tout tourne plutôt bien, malgré les absences de Landry Shamet qui avait été très bon, malgré aussi les absences de Deuce McBride. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant... Tous les voyants sont plutôt au vert. Espérons que ça continue le plus longtemps possible. On va voir un calendrier qui va se compliquer. On en avait un petit peu parlé, on l'a évoqué rapidement dans l'épisode 139 que vous retrouvez aussi sur la chaîne. Mais oui, le mois de décembre est plutôt bon. on est l'équipe en forme de la conférence Est parce que, donc, comme je te dis, on présente une fiche de 6 victoires consécutives. Tu l'as dit, les Pacers, là, je l'ai regardé ce match cette nuit contre les Mavericks. Ils le perdent bon, sur le parquet des Mavs. Mais le match va en prolongation. Peut-être qu'il n'aurait pas dû aller en prolongation parce que là, il y a une interception d'AD dans les mains de Stewart. Pour moi, elle est valable, mais bon, elle est sifflée. Mais cette nuit, les refs n'ont pas été en forme. Hein. Cette nuit, les refs, il y a eu pas mal de controverses. Mais on a Toronto qui a gagné, mais après, d'ailleurs, dans les 4, 5, 6, on a Boston qui est sur deux défaites. Philadelphie qui est sur une défaite et Orlando qui est sur deux défaites. Donc, tu vois, on a. Il y a quand même ce duo Détroit-Knicks qui sont devant. Détroit est avec un bilan de 21-6 et les Knicks avec un bilan de 19-7. Mais derrière, t'as tout ce troupeau de Atlanta 9e et Toronto 3e là, qui se tiennent tous. Ils se battent tous, ils se tiennent tous. Et Cleveland qui est sur deux défaites consécutives. Cleveland qui est avec un bilan de 15-13. Qui s'en sort pas et qui s'en enfin et là dernièrement ils ont encore perdu là ils avaient perdu contre Charlotte et ils ont encore perdu Chicago? contre Chicago avec un énorme George Giddy en triple double hein, si je ne m'abuse donc voilà donc, et puis bah écoute ouais la conférence Est en tout cas il y a un écrémage qui est en train de se faire sur le haut du panier. À voir comment ça va tourner pour la suite et la conférence Ouest qui est toujours avec quatre équipes moteurs voilà on a Oklahoma qui est toujours devant les Denver Nuggets qui sont aussi sur 6 victoires consécutives. Je dirais 5, mais ouais. Ils sont sur 6. Non, je disais, il y a 4 équipes qui sont un petit peu devant dans la conférence Ouest. Houston qui a perdu 2 matchs, dont notamment cette nuit, ils perdent. En plus, le match, je l'ai regardé. Ils perdent contre qui Il y avait beaucoup d'affiches Contre les Pélicans en prolongation, alors qu'ils menaient bien. Et les Pélicans font une deuxième mi-temps incroyable. Et ils gagnent en prolongation contre les Pélicans. Donc, match un petit peu gênant, une défaite un petit peu gênante pour eux. Ça arrive parfois. Mais tu sais, les Spurs, eux, sont sur 4 victoires consécutives. Hein, le match de Cup ne compte pas. Ils retrouvent Victor, donc ça devrait aussi leur donner un élan supplémentaire. Ont gagné cette nuit. Victor a retrouvé notamment Bilal Koulibaly, son poteau, et Alexandre Sarr. Voilà, bon, ils ont gagné contre Washington sans trop de difficultés. Mais à côté de ça, t'as Phoenix qui est en train de reprendre du poil de la bête. T'as les Grizzlies, bah tiens, c'est en train de revenir, mais tu vois, la place 8 est en négatif chez eux. Nous, c'est la place 10 qui est en négatif. Au niveau du bilan. Au niveau, tu vois, de finalement, la conférence Est, après, on va me dire, ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a de plus fortes équipes. Oui, peut-être. Peut-être, mais bon. Et puis, forcément, les derniers de la classe sont toujours les Pélicans, mais qui sont sur une série de 3 victoires. Les Pélicans, ils ont un bilan de 6-22, mais ils sont sur une série de 3 victoires. C'est peut-être une place convoitée par les Clippers, on ne sait pas. En tout cas, des équipes de l'Ouest, on va en rencontrer certaines. Et on va avoir un match intéressant à Noël, face à une équipe pas plus moins intéressante, qui est l'équipe des Cavs. Et justement, si on voulait vous tenir en haleine jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'on est content, parce qu'on est champion, mais parce qu'on a aussi un jeu concours, eh ben oui, c'est Noël, ouais. On ne vous l'a pas annoncé sur l'épisode précédent. Vous pensiez pas qu'on allait rester comme ça en mode « Allez, bon Noël, allez, salut !» Non, comme tous les ans, on fait un petit jeu concours qui est assez simple, qui est assez facile en compréhension. Vous en avez l'habitude pour les grands habitués de la chaîne de KNFTV, de Avenix Week. Eh bien, on va reprendre le même concept. Il va falloir nous laisser le pronostic du match de Noël d'Enix. Est-ce qu'on aura une victoire d'Enix? Est-ce qu'on aura une défaite d'Enix? Vous nous donnez un écart par rapport au score final. Plus 5 si les Knicks gagnent de 5 points, plus 6 s'ils gagnent de 6, moins 12 s'ils perdent de 12 points. Voilà, vous nous donnez ça en commentaire de cette vidéo-ci. Hein, et on vous avez jusqu'au jeudi. C'est jeudi, Noël ? Oui, c'est jeudi. Jeudi 25 décembre à 18h, heure du coup d'envoi du match, parce que si vous pronostiquez ça après, vous vous doutez bien quand ça ne sera pas pris en compte. Hein. Même si vous m'attendez le quatrième quart-temps. Non. Les... commentaires seront validés par rapport à tous les pronostics qui auront été faits avant le coup d'envoi. Le rodatage du commentaire. Voilà, on sera accompagné de maître, je sais pas qui. Capello. Maître Capello. Maître Corbeau. Maître... ou Maître Gims, voilà. Qui ne fête pas Noël, je sais pas. Bon, bref. Depuis sa pyramide égyptienne, qui va veiller à tout ça et qui va vérifier qui a trouvé le bon pronostic et a gagné cette saison un petit OGMG Collector. Oui, oui, on remercie. Merci Baptiste. Baptiste, qui est un membre de la communauté, un fidèle adhérent, qui va régulièrement à New York. Il doit être bien aimé cette salle, cette équipe, cette ambiance. Et il nous a ramené un petit cadeau en souvenir de quoi? Alors qu'on a perdu la lumière pour Seb. En souvenir des Playoffs 2025. Voilà, une serviette collector. Alors moi j'en ai une, mais j'ai pas la celle de 2025. Et comme j'ai foutu le bazar dans mon setup, c'est pas grave. Voilà, vous avez en tout cas tout en description sur le site web nixnationfrance.com. Alors qu'on a un petit problème technique qui fait que nos images sont figées, le son il est encore là. Très bien, et donc on va vous souhaiter en tout cas une fois de plus avec Seb un très bon Noël. Qu'est-ce que tu dis toi pour la finale? Enfin pour, la, ah, pour, oui. pour Noël, qu'est-ce que tu dis toi pour Noël? Moi si je dévoile mon pronostic, les gens vont se caler dessus en se disant ouais, Joël il a toujours bon avec ses pronos. Le ratio. Le ratio est pas bon, le ratio est pas bon. Depuis le début, j'ai dit qu'on allait gagner la Cup et le titre NBA en juin. Bon, bref. Alors, est-ce que je vois une victoire? Oui, je vois une victoire d'Enix, bien sûr. Allez, je vais donner mon petit pronostic qui sera le même que je mettrai sur le commentaire. Bien sûr, si je gagne, je donnerai l'ensemble de mes gains à la République Dominicaine ou plutôt à la République KDF. Mais non, je vais voir un plus Nix plus 7. Ouais, plus 7, c'est bien, plus 7, voilà. Et toi Seb, t'as le droit de jouer, mais que là, à l'oral. Qu'est-ce que tu nous annonces comme pronostic pour ce match de Noël? Je pense qu'on va être dans nos standards, autour des 124, 125 points. Je nous vois sur un plus 11, Ok. Victoire d'Enix, plus 7 pour moi, plus 11 pour toi. On attend en commentaire. Je vous fais des signes, mais vous ne voyez écoutez pas moi, parce que ma vidéo est figée. Si mais on vous attend en commentaire en tout cas. Écoutez-moi. De la moula, je suis pas trop de la moula. Là, c'est, on a un objet collector, mais oui. Il a une valeur surtout sentimentale. Vous les playoffs 2025, vous aurez déjà en tout cas votre serviette à agiter pour bon. Le prochain titre d'Enix. Pas bon en commentaire. N'importe quoi. Bon, après une heure, un quart à débriefer sur ce titre d'Enix, on vous donne rendez-vous non pas en juin pour parler encore pendant une heure du titre d'Enix. Non, on vous donne rendez-vous un petit peu plus tôt. On vous rendra rendez-vous début 2026. Petite trêve pour nous. Souhaitez encore une fois de très bonnes fêtes. Et puis, bah, comme on dit à chaque fois, let's go Nix. Et puis là, pendant les vacances, là, vous allez pouvoir sortir tous vos objets, tous vos les petits polos, les petits suites, les casquettes. Là, vous allez pouvoir les pulls moches. Vous allez pouvoir vous promener en Nix là, et vous n'avez rien à faire. Et si on vous dit, ouais, bah, mec, mais j'ai gagné la carte. Je suis champion, moi. Parle bien des champions. Allez, bonnes vacances à toutes et à toutes. N'oubliez pas votre pronostic et on se retrouve en janvier pour voir qui a gagné et où on sont nos Knicks. Let's go! Ciao!